assise dans le café. Je t'attends et tu es en retard. Puis il entre avec ton visage et plus il avance et moins je reconnais ton mirage. Et plus il tire et plus je doute que celui fait sur mesure pour protéger les enfants sages. Ce soir mes enfants dormiront sans la peur d'un monstre qui entre dans le salon. Je prétends que je suis en retard. Je renverse des gens pour me frayer un passage. Je regarde droit devant pour ne pas sentir les présages qui se lisent dans les yeux, qui sentent percer mon camouflage. Je laisse le doute et ma tête se perdre dans mon silence.